إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في هذا اللقاء. وهذا اللقاء ما هو إلا عبارة عن مدارسة ومذاكرة ومراجعة لبعض الموضوعات المهمة، وهي من باب التذكير، وإلا فأنتم على خير كثير والحمد لله. ولكن المسلم يكون ناصحا لأخيه المسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة واجبة بيننا، والتناصح لا بد منه، والتذكير لا بد منه بين كل فترة وأخرى، لأن الإنسان قد يغفل وقد ينسى وقد ينشغل، تحصل له أمور كثيرة، فلا بد من التآخي والترابط والتعاون والتناصح. هذا واجب علينا جميعا، ونحن خاصة في هذا الزمن نحتاج بين كل فترة وفترة التذكير والنصيحة الصادقة المخلصة والكلمة التي في مكانها والصدق مع الله سبحانه وتعالى ومع خلقه. هذه الأمور لابد أن نحرص عليها. ولا ينفع العلم، لا ينفع العلم كما لا يخفى عليكم، بدون هذه الأمور، لأنه قد يكون هذا العلم وبالا على صاحبه، إذا خرج عن هذا الخط، عن مسألة الإخلاص وعن مسألة الصدق مع الله سبحانه وتعالى ومع الخلق، وخرج عن مبدأ النصيحة، فإن هذا العلم الذي يتعلمه الإنسان قد يكون وبالا عليه، وقد يخسر بسببه دنياه وأخراه. ولذلك نجد أن العلماء وطلاب العلم الذين يسيرون على المنهج السلفي خاصة، أنهم نصحة ينصحون الخلق، والناصح هو أول من يستفيد. الذي ينصح ويذكر الناس هو أول من يستفيد، لأن هذا يحمله على الانتصاح بما يقول. وإلا كما يقال عن علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا يكون الإنسان عامل إلا إذا عمل بهذا العلم. فالناصح هو المستفيد الأول. ولعل بهذه النصيحة يتغير الإنسان، أو يذهب ما في قلبه من الشبهة وغير ذلك من الفوائد، ويكون هذا مدعاة إلى، كما قلت، التناصح والتآخي والترابط والتعاون على البر والتقوى. فأعود وأقول: أيها الإخوة الكرام، حقيقة شعوري لا يوصف، شعوري لا يوصف لما جلست هنا ورأيت هذا العدد الطيب والرغبة الملحة والهمة العالية الذين أتوا من أماكن بعيدة. حقيقة شعرت بشعور غير طبيعي. السبب في ذلك أن الناس في هذا الزمن أصبح الغالب عليهم الدنيا، أصبح الغالب عليهم الاهتمام بأمور الدنيا. ولكن لما ترى هذا الطالب يأتي من أجل محاضرة قد تكون معروفة عنده، ولكن من أجل أن يلتقي بأصحابه ويستفيد بعض الكلمات، وأتى من مكان بعيد، فهذا يشكر ويشجع ويدعى له بالتوفيق. فأقول مرحبا بطالب العلم، وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكم، وأخبركم أني أحبكم في الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم على المنهج السلفي الواضح الناصح الناصع حتى نموت على ذلك، ونعيش ونحيا على هذا المنهج السلفي الذي بدونه لا تصلح الحياة، وبدون هذا المنهج يتخبط الإنسان. ونحمده ونكرر حمدنا لله سبحانه وتعالى وشكرنا له أن هدانا للإسلام ثم هدانا للسنة، وهذه نعمة يجب أن تذكر لتشكر. ودائما نكرر هذا الموضوع من أجل أن نعرف أهمية المنهج السلفي، ولا يعرف هذه النعمة إلا من عاش في الحزبيات وعاش في الظلمات وفي جهل وفي زمن البدع، ثم تمسك بالمنهج السلفي عرف قيمة هذا المنهج، وأنه منهج رباني، منهج نبوي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه الصحابة وتمسكوا به. فنحمد الله عز وجل أن هدانا لهاتين النعمتين، نعمة الإسلام ونعمة السنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. Après l'introduction du noble Cheikh Abdelhadi, qu'Allah le préserve et le récompense, Cheikh Fawaz, qu'Allah le préserve et le récompense également, a dit les louanges sont à Allah, nous lui adressons donc les louanges et lui implorons son aide et son pardon et lui demandons protection contre les vices de nos personnes et nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider, et j'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant musulman. Ô vous qui avez la foi, craignez pieusement Allah et proférez de bonnes paroles. Il réformera votre situation et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque aura obéi à Allah et à son messager aura certes connu la grande réussite. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé à partir de celui-ci son épouse et qui a fait se répandre à partir de beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous interpellez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Cela dit, le meilleur des discours, c'est la parole d'Allah, et la meilleure des voix, c'est celle de Muhammad, car le couvre des loges et le salut. Les pires des choses en religion sont celles qui sont nouvellement inventées. Toute chose qui est nouvellement inventée étant une innovation, et toute innovation en religion est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Cela dit, chers frères, qu'Allah vous salue à l'occasion de cette rencontre. Ce qui va suivre est un rappel et une révision. Et ce n'est qu'un rappel, et en réalité, on peut constater que vous êtes dans le bien. Et il faut que chacun d'entre nous soit loyal et bon conseiller vis-à-vis de son frère. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, la religion c'est la loyauté. La religion c'est la loyauté, la religion c'est la loyauté. Il lui fut dit, alors, vis-à-vis de qui? Au messager d'Allah. Et c'est alors qu'il a dit vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son livre, vis-à-vis de son messager, vis-à-vis des dirigeants et du commun des musulmans. C'est donc ici un rappel que le Cheikh a souhaité faire, car il faut savoir que l'être humain, il est sujet à l'oubli et à la négligence, et qu'il a donc besoin de se voir rappeler certaines choses, certains principes, Et c'est pour cela qu'il nous incombe de nous conseiller mutuellement le bien. Et c'est là quelque chose d'important, de primordial et d'indispensable. Et c'est là quelque chose qui devrait être habituel et coutumier chez nous. Le rappel, le fait de se conseiller sincèrement, la véracité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, la véracité vis-à-vis de ses créatures, c'est là quelque chose, ce sont là des caractéristiques dont nous devons impérativement nous parer. Et il faut savoir que le savoir, la science, n'est utile qu'accompagné de ces principes-là. Et dépourvu de cela, le savoir ou la science peut se retourner contre celui qui la détient. Il faut savoir que nos ulama, les ulama salafi, ils sont loyaux et bons conseillers vis-à-vis de leurs prochains. Il faut également savoir que le conseiller, lorsqu'il porte conseil, il est le premier à bénéficier de cela, car cela va le mener à se remettre en question et à chercher à être en conformité avec l'objet de son conseil. Il faut donc impérativement lier le savoir et la mise en pratique. D'ailleurs, Ali disait, qu'Allah l'agré, le savoir a cherché à entrer en contact avec les actes. Si ces derniers ne lui répondent pas, s'il n'arrive pas à les joindre, c'est alors qu'il s'en va. Donc on retrouve ici donc le lien fort qu'il doit y avoir entre la science, le savoir et la mise en pratique, les actes. Puis le Shir a dit qu'en réalité, ces sentiments sont indescriptibles dans ce genre de contexte et des situations face au grand nombre de personnes qui sont venues, aux efforts considérables qui ont été déployés et aux grandes distances qui ont été parcourues. D'autant plus que nous vivons à une époque où la plupart des gens sont dans la négligence et dans l'insouciance et l'oubli. Alors le fait de voir des gens qui parcourent de longues distances, parfois pour entendre des discours qu'ils ont déjà entendus et assimilés, est quelque chose de réjouissant. C'est pour cela qu'il a dit « Bienvenue donc aux étudiants ». Et également, il a annoncé que, en disant « Je vous aime tous pour Allah ». Et ensuite, il en a profité pour nous inciter à faire preuve de fermeté sur la voie des pieux prédécesseurs, la voie salafi. Et il a insisté donc sur cela afin que nous vivions sur cette voie et que nous fassions en sorte de mourir également sur cette voie. Et il a rappelé les énormes bienfaits que sont le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ait guidés à l'islam et qu'il nous ait guidés à la sunna. Et ces bienfaits-là doivent être mentionnés et doivent être reconnus et doivent nous mener à faire preuve de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là donc quelque chose d'impératif que nous devons reconnaître, dont nous devons prendre conscience. Puis le chir de dire qu'en réalité, seuls les gens qui ont connu les ténèbres, seuls les gens qui ont vécu dans les ténèbres, qui ont vécu dans l'innovation, cerne réellement la valeur de cela. Et donc, il a adressé les louanges à Allah, subhanahu wa ta'ala, du fait des nombreux bienfaits dont il nous fait part, azza wa jal. كما أن هناك موقف أو منظر عجبني وهو وجود هذه الفئة الأطفال الذين هم إن شاء الله سيكونون مستقبل لهم مستقبل طيب ونافع بإذن الله إذا تربى هؤلاء الشباب الصغار والأطفال على المنهج السلفي فسيكون لهم بإذن الله فاتحة خير وحقيقة لما أرى هذا المنظر وبأيديهم الأقلام والأوراق يسجلون الفوائد والمعلومات مثل هذه المناظر تدخل على النفس السرور وبالتالي ندعو لأولياء أمورهم لآبائهم ولأمهاتهم نشكرهم على هذا الفعل وندعو لهم بكل خير وهكذا يجب أن تكون التربية أن يربط هذا الطفل وهذا الطالب الشاب الصغير يربط مع طلاب العلم ويحضر مجالسهم ليتغذى بالمنهج السلفي وينشأ على هذا لأنه إذا نشأ على هذا فإن الوالدين لا يتعبان في المستقبل فبإذن الله يكون الغالب والعاقبة حميدة. فنحمد الله عز وجل أن وفق هؤلاء الشباب إلى الجلوس معنا. ويجب أن ننبه على هذه النقطة لأنها نقطة مهمة، وقد جربنا ذلك في الجنوب عندنا في صامتة، ورأينا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ زيد المدخلي رحمه الله يهتمون بهذه الفئة، يهتمون بل أنشأوا لهم دورة خاصة للصغار، برنامج معين وخاص للصغار، وهؤلاء الصغار مع السنوات أصبحوا كبار وأصبحوا سلفيين ودعاء إلى الله عز وجل، ورأينا هذا الحمد لله واقع. ولذلك يجب أن ينشأ مثل هؤلاء التنشئة الصحيحة، وهذه طريقة حميدة وطريقة صحيحة وسليمة. نعرف هذا ونعرف هذه المعلومة، لكن التفعيل يعني ينقصنا أو ينقص بعض الناس التفعيل، تجده يهتم بأمور الدعوة مع إخوانه وإلى آخره، وهذا الشيء طيب ويحمد عليه، لكن بالتالي ينسى أولاده في البيت، لا يربيهم التربية الصحيحة. والأقربون أولى بالمعروف، والإنسان يبدأ بمن؟ بأقربائه وبأهل بيته يبدأ ويربيهم على هذا المنهج. فأردت أن ألفت الانتباه إلى هذه النقطة لأنها نقطة مهمة. وكما سمعتم من تقديم شيخنا الفاضل شيخ عبد الهادي بأن هذه الكلمة هي بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة ودورها في الثبات عند الفتن. وهذا الموضوع الحمد لله قد سمعتم فيه خير كثير وسمعتم به، وهو موضوع مكرر، لكن كما قلت من باب التذكير. فالاعتصام معناه هو التمسك والاستمساك بماذا؟ بالكتاب والسنة. على أي منهج؟ على أي فهم؟ على فهم السلف الصالح، وذكرنا بالأمس هذه النقطة، بخلاف أهل البدع الذين يعتصمون كما يدعون، وقد يكون فيهم إنسان فعلا صادق لكنه ما اتبع السنة، يعني مخلص، قد يكون مخلص لكن عنده الركن الثاني أو الشرط الثاني من شروط قبول العمل، المتابعة. فعدم المتابعة عنده أفقده يعني الاتباع للسلف، لمنهج السلف. فالاعتصام بماذا؟ بالكتاب والسنة، على منهج السلف الصالح، على فهم السلف الصالح. أما أهل البدع فيكون بعضهم متمسك بالكتاب والسنة لكن على فهم رئيسهم أو رئيس حزبهم كحسن البنا في جماعة الأخوان المفسدين وجماعة التبليغ الكندهلوي هذا وغيرهم من الجماعات الضالة المنحرفة. نسأل الله عز وجل الثبات على السنة. فهؤلاء فهموا، لكن فهموا على من؟ فهموا على فهم هؤلاء المتأخرين. وكما أخذنا في رسالة ابن أبي زيد الحث على التمسك بمنهج السلف الصالح، لأنهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا الوحي وبلغوا الرسالة ونشروا الإسلام ودافعوا وذبوا عن هذا الدين وأوصلوه إلينا، فهم أولى أن نتبعهم على فهمهم. وأيضا لأنهم قد ماتوا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فالإنسان يتبع أو يفهم على من قد مات، وخاصة السلف الصالح يتبع أو يفهم على فهمهم ويقرأ ويجالس العلماء، فبهذه الحالة بإذن الله ينجو ويسلم ويكون من المعتصمين بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. وأما تعريف السنة هي الطريقة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من ذلك شيء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن السنة هي الطريقة، والكتاب قبل ذلك، الكتاب هو الشيء المكتوب بين الدفتين، الشيء المكتوب بين دفتين، هذه دفة وهذه كما يقال دفة، هذا الشيء المكتوب بينهما، هذا يسمى كتاب يعني مكتوب. فالقرآن الكريم سمي كتاب، وسمي الفرقان، وسمي القرآن إلى آخره. الشاهد من هذا الاعتصام يعني التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف أو على فهم السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ ما معنى كلمة السلفي؟ السلف هم الذين مضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم السلف. السلف والنسبة إليهم سلفي، ولا يعني يتحرج الإنسان أن ينتسب إلى منهج السلف الصالح، بل يجب عليه أن يفتخر ويعتز بالمنهج السلفي، فيقول أنا سلفي، ويكون كذلك هو سلفي قولا وفعلا واعتقادا وعملا. لكن بعضهم يقول أنا سلفي لكنه يتخبط ويميع ويتلاعب إلى آخره، لكن السلف الحقيقي هو من اتقى الله سبحانه وتعالى وأخلص لله عز وجل في أقواله وأفعاله وأعماله، واتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، هذا يسمى سلفي، ويحق له أن يعتز بهذا المنهج. وكما لا يخفى عليكم قول ابن تيمية: لا عيب على من أظهر مذهب السلف أو انتمى إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. وكان العلماء سابقا لا يتحرجون من هذه النسبة، بل يفتخرون بها ويدافعون عنها ويعتزون بها، وكذلك نحن نفتخر بهذه الكلمة ونقولها بملء أفواهنا بأننا والحمد لله نسير على المنهج السلفي، ونسأل الله عز وجل أن يجبر النقص الحاصل منا. لكن الإنسان كما يقال يسدد ويقارب، سددوا وقاربوا. هذا هو معنى الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc le cheikh continue son intervention en disant: je tiens à évoquer une chose qui m'a plu, la présence des enfants dans la salle, notamment au premier rang et un petit peu ailleurs. Les enfants représentent le futur, ils représentent l'avenir. Ces enfants-là vont grandir. Et le fait de prendre soin et de leur accorder de l'importance et du temps dans l'éducation sur cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, le manhaj salafi, c'est une chose importante. J'ai remarqué que certains d'entre eux ont un cahier et qu'ils écrivent, ils enregistrent des choses, ils notent, et tout ceci est très réjouissant. Et nous invoquons au passage en faveur de leurs responsables, de leurs parents, de ceux qui les ont amenés, qui ont pris cette initiative, pour l'importance qu'ils leur donnent au niveau de leur éducation. Le fait de les rattacher, de les raccorder, de les laisser en compagnie de personnes qui étudient la religion, des étudiants en sciences religieuses, afin qu'ils évoluent et qu'ils grandissent donc sur cette voie bénie, la voie des pieux prédécesseurs. Et par la suite, l'intérêt revient de manière primaire aux parents, car ils seront reposés à propos du fait qu'ils ont fourni des efforts dans la jeunesse de ces enfants pour qu'ils soient réformés. Donc nous louons à Allah qui a accordé ce bienfait à chacun d'entre nous. Ceci est une chose qui est importante, et il fallait la citer pour marquer le point. Et nous avons déjà testé cela chez nous, là-bas dans le sud de l'Arabie Saoudite, avec le Cheikh Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali et le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahum Allah ta'ala. D'ailleurs, ils sont même allés plus loin que cela. Ils ont établi, programmé et organisé un séminaire spécial dédié aux enfants. Ces enfants, au fur et à mesure des années, ils ont grandi et ils sont devenus des adultes. Et au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce sont des personnes qui ont appris et compris la voie des pieux prédécesseurs. Et aujourd'hui, ils se sont transformés en prêcheurs, en prêcheurs à cette voie. Et tout ceci est louable et noble. Ce sont des choses que nous ne sommes pas censés ignorer, que nous n'ignorons pas. Nous savons cela, mais il nous manque la pratique et le fait d'accorder de l'importance et de la pratique à ce propos. Car beaucoup d'entre nous prêchent avec ses frères, donnent de l'importance à cela. Et ceci est une chose qui est noble, qu'il faut reconnaître. Mais beaucoup d'entre nous oublient ses propres enfants. Or, al-aqrabun awla bil ma'ruf, c'est-à-dire que les proches, les membres de la famille sont plus en droit qu'on leur accorde cette importance. Donc, je tenais à citer cette chose-là. Comme vous avez entendu dans la préface de Cheikh Abdel Hadi, le titre de cette intervention est le fait de se cramponner au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le rôle de cet attachement lors des troubles. Donc, ce sujet-là a été traité et retraité, il n'est pas étranger à vous, mais c'est juste un rappel. Que veut dire le mot i'tisam? Le mot i'tisam veut dire se cramponner fermement, se rattacher ou se cramponner fermement. Cramponner fermement à quoi? Au livre, c'est-à-dire le Coran, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la voix des pieux prédécesseurs. Et comme ceci a été cité hier, nous en avons parlé hier dans l'explication de l'épître de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala. Il y a malheureusement des personnes qui sont véridiques et sincères dans leur démarche, mais ne suivent pas la bonne voie. Ils sont sincères dans ce qu'ils entreprennent, mais il leur manque la concrétisation et la réalisation de la deuxième condition d'acceptation des actes, qui est al-mutaba'a, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension qui est saine et sereine. Ceci est absent chez beaucoup de gens qui ont une bonne intention et qui sont sincères dans leur démarche. Donc ceci est important, le fait de comprendre la religion, ces deux sources, le livre et la sunna sur la voie des pieux prédécesseurs. Contrairement aux innovateurs qui déclarent également se cramponner au livre et à la sunna, mais ils ont une explication qui est erronée, qui est fausse. Ils la comprennent sur la compréhension, ou ils comprennent ces deux sources sur la compréhension de leur fondateur. Tel que par exemple pour les frères musulmans, la compréhension du fondateur qui s'appelle Hassan al-Banna. Ou bien la voie par exemple des tablighs qui comprennent le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la compréhension de leur fondateur qui s'appelle Mohamed Ilyas al-Kandahlawi. Donc la compréhension qui est contemporaine, qui est nouvelle, est une compréhension qui est automatiquement fausse et erronée. Et on a vu hier, donc dans l'épître de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah ta'ala, le fait de s'attacher fermement à la voie des pieux prédécesseurs et les différents points qui ont été cités à ce sujet-là, et l'importance que ceci a comme rôle. Pourquoi suivre les pieux prédécesseurs? Car ils ont vécu au moment où la révélation descendait. Ils l'ont comprise, ils ont compris cette révélation. Ils ont appelé à cela, ils ont prêché, ils ont transmis, ils ont défendu ces deux sources et la compréhension qui est saine et sereine jusqu'à ce qu'elle nous est parvenue. Et ils sont morts sur cette voie-là, et c'est peut-être l'élément le plus important à citer, car comme il a été dit dans le récit, Al-Hayy, la tu'man alayhi al-fitna, c'est-à-dire que le vivant, il n'est pas à l'abri d'une tentation, il n'est pas à l'abri de la dérive, de l'égarement. Donc le fait de suivre les pieux prédécesseurs et de se conformer, rester conforme à la voie des pieux prédécesseurs, en comprenant la religion selon la compréhension que les savants nous ont transmis des pieux prédécesseurs, la personne, à travers cela, va ou entreprend la voie de sauvetage. Que veut dire le mot sunnah? Sunnah, c'est la voie, le chemin, la tariqa. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sunnah fil islam et sunnah tan hasana, c'est-à-dire celui qui emprunte un chemin dans l'islam, qui est bon, il aura la récompense. de sa pratique, sa mise en pratique, ainsi que les gens qui vont le suivre. Et celui qui emprunte en islam un chemin qui est mauvais, il portera son fardeau, et le fardeau de ceux qui le suivent, sans que ça n'enlève quoi que ce soit de la récompense des suiveurs pour le bien, ou du fardeau des suiveurs pour le mal. Et avant cela, donc, on a dit « As-sunna c'est at-tariq » à la voix. Avant cela, al-kitab. I'tisam bil-kitab wa sunna. Al-kitab, c'est quoi? C'est ishay al-maktoub. C'est quelque chose qui est écrit entre deux reliures. Comme il vous a montré le livre, il y a une reliure au début, une reliure à la fin, et au milieu, il y a des pages. Voilà qu'est-ce qu'un livre. Et le Coran, il a plusieurs noms. Il est nommé kitab, livre, il est nommé furqan, c'est-à-dire le discernement, il est nommé Coran, le Coran, etc. Donc tout ceci, comme on a dit avant, sur la voie des pieux prédécesseurs et leur compréhension, qu'est-ce que cela signifie, les pieux prédécesseurs, ceux qui ont évolué, continué, qui ont marché sur la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui sont venus après, puis ceux qui sont venus après, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Donc, il n'y a pas de gêne à avoir ou de honte à ressentir en citant cela et en proclamant cela, le fait de s'attribuer au pieux prédécesseur, salaf al-salih, de s'attribuer en disant « Je suis salafi, mais il faut l'être, n'oublions pas de l'être, car beaucoup se proclament, mais ne suivent pas, ne se conforment pas dans la parole, dans l'acte, dans la croyance ou dans autre. » Certains disent, mais en réalité, ils jouent sur deux écrans, sur deux voies. Ils s'attribuent avec la langue, mais n'agissent pas en conformité. Le véritable salafi, c'est quelqu'un qui craint Allah, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui suit et se conforme. C'est celui-là que l'on peut appeler de la sorte. Et c'est une noble appellation. Ce n'est pas une honte à avoir. Vous n'êtes pas censé ignorer la parole de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, « La aïba ala man adhara madhab al-salaf, wa antasaba ilayhi wa ataza ilayhi, ba yajibu dhalika, taboulu dhalika bil ittifaq, fa inna madhab al-salaf la yakunu illa haqqan. » C'est une phrase qui est connue. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'handicap, de défaut ou de honte pour celui qui fait apparaître la voix des pieux prédécesseurs et qui s'attribue à eux et qui se vante de cette voix. Bien au contraire, il faut accepter cette phrase sans relâche et sans divergence, cette appellation, cette attribution sans relâche, sans divergence à ce propos, car la voix des pieux prédécesseurs n'est que vérité et conformité. Donc, les savants, les théologiens n'ont cessé de se donner cette appellation, cette attribution qui est noble, et on doit faire pareil, suivre, le dire, c'est-à-dire en toute sérénité, sans être hésitant ou douter, et en même temps savoir qu'on a un amoindrissement, quelle que soit la perfection qu'on a, on aura toujours un amoindrissement. Donc demander à Allah la réforme de ce qu'il manque, et comme il est cité dans le hadith, saddidu wa qaribu, c'est-à-dire faites de votre mieux et essayez de vous rapprocher le plus possible de la perfection. وقد تواترت الآيات والأحاديث في الحث على الاعتصام بالسنة، جاءت أدلة كثيرة على هذا أو في هذا المعنى، منها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن يشاقق الرسول، يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي هدى؟ هدى النبوي، الهدى السلفي، هذا هو الهدى وهذه هي الطريقة. فالذي يشاقق هذه الطريقة ويخالف هذه الطريقة كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذا هو جزاؤه ونصله جهنم وساءت مصيره. فالأمر ليس بالسهل الذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يترتب عليه دخول الجنة والنار، دخول الجنة أو دخول النار. فالذي يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار، لأنه هو الوحي الآخر، الوحي الثاني، إن هو إلا وحي يوحى كما قال تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله هذه الرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فيجب علينا أن نتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص كل الحرص على تطبيق السنة، لأن هذا من أسباب ورود الحوض كما أخذنا بالأمس. التمسك بالسنة من أسباب الشرب من الحوض، وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب في حرمان من الشرب من الحوض. ولذلك ينبغي علينا أن نحرص على هذا الأمر ولا نتساهل فيه. أيضا من الأدلة التي جاءت في الحث على التمسك بالكتاب والسنة قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: مثل ما أنا عليه وأصحابي. انظر إلى هذا الحديث وتأمل هذا الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، يعني كلها في النار بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وافترقت النصارى على 72، كلها في النار بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يعني جماعة وحزب، كلها في النار. ودخولهم النار إما أن يكون مؤبد، وإما أن يكون دخول مؤقت. فأما أهل النار الذين يدخلون ويؤبدون فيها، هؤلاء من كانت عندهم بدع كفرية أو مكفرة، فهؤلاء يخلدون في النار، عندهم بدع لكن بدع مكفرة، فهؤلاء يخلدون في النار. وإما أن يكون عندهم بدع لكنها في غير التوحيد، في غير التوحيد، فهؤلاء مثلهم مثل أهل الكبائر، بل البدعة أخطر من الكبيرة، فهؤلاء يدخلون النار أو يكونون تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل، غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم. فدخلوا النار ويدخلونها بحسب ابتداعهم وبدعهم التي ارتكبوها، يعني يكونون في النار فترة معينة، ثم يكون مصيرهم ومآلهم إلى الجنة. ولذلك السلف حذروا من البدعة، وبيّنوا خطرها، وأن المسألة ليست بالسهلة. الآن نرى كثير يحذرون من الكبائر، وهذا شيء طيب، شيء طيب، لكن لا يحذرون من البدعة، بل ويتساهلون فيها ويميعون فيها كما سيأتينا، وما علموا أن البدعة أخطر من الكبيرة. وكما حصل بالتتبع والاستقراء من منهج السلف الصالح أنهم رتبوا الذنوب على 4 أقسام، على 4 أقسام: الشرك بالله عز وجل، ثم البدعة، ثم الكبائر، ثم الصغائر. الصغائر إذا أصر عليها الإنسان واجتمعت عنده صغائر كثيرة قد تؤدي به إلى الكبيرة. والرجل إذا فعل الكبائر وأصر عليها واستمر فيها فقد توصله إلى البدعة. والبدعة إذا استمرها وتعود عليها فقد توصله إلى الشرك والكفر بالله عز وجل، وهذا شيء حاصل. والدليل على ذلك عندما جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال، دق عليه الباب أو انتظره حتى خرج من البيت، فقال: لقد رأيت أمرا عجبا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا رأيت؟ قال رأيت جماعة عندهم حرق، يعني متحلقين في حرق، يهللون يعني حلقة يهللون فيها وحلقة يكبرون وحلقة يسبحون وهكذا، بدعة، الأمر بدعة. فقال وماذا قلت لهم؟ شوف، قال انتظر رأيت. وهذا في دليل على احترام العلماء وتقديرهم، وأن الطالب لا يتقدم على العالم في مثل هذه النازلة، وهذه تعتبر نازلة. فذهب معه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقف وقال يعني معنى كلامه: إما أنكم على هدى خير من هدى النبي صلى الله عليه وسلم أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ثم قال لهم: هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، يعني ما زال حديث عهد بوفاة، وأنتم تحدثون هذا الأمر، فأنتم بين أمرين. وهذا في دليل أن العالم يستعمل الحجة ويستعمل الإفحام والإلزام. أنتم بين أمرين، إما أنكم على سنة أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا قالوها ماذا يحصل؟ يكفرون. وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فماذا يقولون يعني؟ ما في يعني خيار ثالث، ما خيارهم بين ثلاثة أمور أو أربع أمور، بين أمرين فقط، يعني أخرجهم جعلهم في زاوية. فقالوا سكتوا يعني. فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود: الشاهد من هذا أنهم في الأخير قال الراوي: وقد رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، مع الخوارج يعني. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفي هذا دليل أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة، قد تكون مخرجة من الإسلام. ولذلك السلف والعلماء كفروا الخوارج، لأنهم عندهم معتقدات فاسدة كفرية، فكفروهم. فيكون الإنسان ينتقل من بدعة صغيرة إلى بدعة مكفرة. ولذلك رتب العلماء بهذه الترتيبات، رتبوا الذنوب: صغائر، ثم كبائر، ثم بدعة، ثم خروج من الإسلام كفر. ولذلك جاءت الأدلة بالتمسك والاعتصام بالكتاب والسنة. Le cheikh a continué, qu'Allah le préserve et le récompense. Concernant donc le fait de s'attacher à la sunna et de s'y cramponner, il a expliqué que les versets et hadiths exposant cela sont en réalité bien trop nombreux pour pouvoir les dénombrer. Parmi ces textes-là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens, est « Et quiconque fait scission avec le messager, après que la voie de la guidée lui soit apparue clairement, et suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons dans ce vers quoi il s'est dirigé, et ferons de la GN son refuge, et quel mauvais refuge. » Donc on se rend compte ici de l'obligation, du fait de suivre fidèlement, de se cramponner, de s'attacher à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le caractère impératif de cela, et le fait de ne pas en déroger. Car il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wa salam, il ne se prononçait pas sous l'emprise de la passion. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, et il ne se prononçait pas sous l'emprise de la passion, c'est plutôt uniquement une révélation qui lui est faite. Et nous avons eu l'occasion de voir précédemment que le fait de s'attacher fidèlement à la sunna du messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, est une des causes menant au privilège de s'abreuver du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. A l'inverse, le fait d'innover dans la religion compte parmi les causes empêchant l'individu de pouvoir s'abreuver de ce bassin le jour de la résurrection. Parmi les hadiths également qui nous incitent à cela, il y a celui dans lequel le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, a dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous sont en enfer sauf un. Et c'est le groupe uni sur la vérité. Et dans une variante, on trouve que le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné à propos de ce groupe sauvé. Et il a dit, c'est le groupe de ceux qui cheminent sur la voie sur laquelle je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. Il faut savoir que l'entrée en enfer qui est mentionnée ici visant ces 72 groupes, elle est de deux sortes. Il est une entrée qui est éternelle et une autre qui est temporaire. L'entrée éternelle vise ceux dont les innovations les auront exclus de la sphère de l'islam. Quant à l'entrée qui est temporaire, elle vise ceux dont les innovations, bien sûr en matière de religion, seront relatives à ceux qui ne s'opposent pas directement avec le tawhid, l'affirmation de l'unicité, mais plutôt donc ces innovations-là qu'ils auront perpétrées toucheront à des domaines dont la gravité n'arrive pas au stade de gravité de ce qui a pu être mentionné précédemment dans la première sorte d'entrée en enfer. Donc on se rend compte ici, et il faut savoir que ceux qui sont concernés par cette deuxième sorte d'entrée en enfer, à savoir l'entrée temporaire, ils sont en quelque sorte similaires à ceux qui auront accompli des grands péchés, dans le sens où, du fait de leur foi, ils ne s'éterniseront pas en enfer, bien que l'innovation est pire que le grand péché. En effet, nos pieux prédécesseurs ont affirmé cela, et ils mettaient en garde contre l'innovation d'une manière dont ils ne mettaient pas en garde contre les grands péchés. Et cela donc nous montre l'erreur de ceux qui, à notre époque, accentuent leur mise en garde concernant les grands péchés, mais qui, concernant la mise en garde vis-à-vis des innovations, sont laxistes et ne le font pas comme il se doit. Il faut savoir que nos pieux prédécesseurs, ils ont catégorisé les péchés en quatre catégories. Ils ont mentionné quatre catégories. Premièrement, le polythéisme, le fait d'accorder un associé à Allah. Deuxièmement, l'innovation en matière de religion. Troisièmement, les grands péchés. Et quatrièmement, les petits péchés. Et il faut savoir que les petits péchés, à force de les accomplir, cela peut mener aux grands péchés. Les grands péchés, à force de les accomplir, cela peut mener à l'innovation en matière de religion. Et le fait d'innover en matière de religion peut mener au polythéisme et à la mécréance qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. La preuve de cela, nous la retrouvons notamment dans un récit qui a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. En effet, un jour, un homme l'a attendu devant sa porte afin d'aller à la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit qu'il avait vu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose d'étonnant, de surprenant. Il lui a dit, qu'as-tu donc vu ? Il a dit, j'ai vu donc plusieurs assises, et il y avait dans ces assises donc des gens qui proclamaient l'unicité d'Allah, et d'autres qui proclamaient sa grandeur, et d'autres qui proclamaient sa pureté, donc en disant certaines « La ilaha illallah », d'autres « Allahu Akbar », d'autres « Subhanallah », d'une manière donc qui n'était pas connue. Ibn Mas'ud a dit à l'homme qui était venu le voir, « Que leur as-tu dit ?» Et cet homme lui a dit, « J'attendais de connaître ton avis. » Et on retrouve ici donc un comportement éminent dont doit se parer l'étudiant. En effet, concernant les événements nouveaux, il se doit de ne pas devancer les enseignants, et il se doit donc de les consulter et de ne pas se prononcer avant eux. Abdullah ibn Mas'ud s'est donc présenté à eux en les blâmant et en les réprimandant, et il leur a dit, soit vous êtes meilleur que le messager d'Allah et que ses compagnons, soit vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Il leur a également dit, voici les effets personnels du messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloge et le salut, qui sont encore intacts. Et voici ses vêtements qui ne sont toujours pas usés. Et c'est alors qu'il leur a dit, soit vous vous considérez meilleur qu'eux, soit vous, vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Donc il les a en quelque sorte bloqués. Car si jamais ils prétendaient être meilleurs, ils auraient mécru. Et ensuite, il ne restait donc plus que le fait d'ouvrir une porte vers l'égarement, et ils étaient donc entre deux éventualités, et les a donc bloqués dans cela et les a blâmés. Le rapporteur de ce hadith, et c'est ce qui donc est lié directement à ce à quoi a voulu arriver le cheikh, le rapporteur de ce récit a dit, nous avons pu voir la majorité de ces gens-là, c'est-à-dire de ces gens-là qui participaient à ces assises innovées, nous avons pu voir la majorité de ces gens-là nous combattre durant la bataille de Nahrawan, c'est-à-dire en compagnie des Khawarij, ils étaient dans les rangs des Khawarij. Le Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en commentaire de ce récit-là, il y a dans cela une preuve appuyant le fait que le fait d'innover en matière de religion est un moyen menant à la mécréance. En effet, il faut savoir que nos pieux prédécesseurs, ainsi que les ulama, ont statué de la mécréance des Khawarij, comme a pu donc nous le dire le Cheikh. Jazakallahu khairan, comme le récompense. أنا أستغرب من تكرار هذه الرسالة، وصلت الآن رسالة بأن هناك بعض النساء يتكلمن أثناء الدرس، فأنا أوجه لهن هذه الرسالة وأقول المعروف عن النساء بأنهن أكثر حرصا من الرجال وأكثر نشاطا من الرجال في المنهج السلفي، فأستغرب مثل ورود هذه الرسالة، هل هذا الأمر على الحقيقة بأن هناك نساء يتكلمن أثناء الدرس؟ إذا كان فعلا هذا موجود فأنا أنصح التي تتكلم أن تتقي الله عز وجل في أخواتها، لأنها تكون سبب في صدهم عن الاستفادة من العلم، فتكون من الصادات عن سبيل الله، تبوء بهذا الإثم، يجب عليها أن تتقي الله عز وجل، إما أن تسكت وتحترم الملقي وتحترم رفيقاتها، وإما أن تذهب إلى بيتها فهذا أسلم لها وأحسن لها، أما أن تبقى وتشوش على الأخريات فهذه طريقة غير صحيحة. يعني ما جاء الحديث والكلام إلا أثناء الدرس، هذا من الشيطان يؤزها أزم. يجب عليها أن تحترم الناس، تحترم هذا المجلس، توقره، تعرف أنه مجلس علم، مجالس العلماء ومجالس أهل العلم، طلاب العلم يجب أن تحترم وتصان، ويعني يكون فيه الحرص على الاستفادة. يعني الآن تذكرت لما قرأت هذه الرسالة، الشيخ زيد رحمه الله كان من الأشياء التي كان يعملها أنه كان يوم الخميس يجتمعون عنده يعني أولاده وأحفاده وما إلى ذلك الجميع، فكان يعقد للنساء خاصة مجلس، يعني طبعا لأنه محرم عليهم زوجات أولاده وبناته إلى آخره، فكان يعقد مجلس للنساء ويهتم بهن ويعطيهم درس في العقيدة في الفقه إلى آخره، بل ويحرص على إخراج دعاة إلى الله داعيات. وعندنا في المكتب العلمي، المكتب الدعوة بسانطة، عندنا دعاة سلفيات وينفع الله عز وجل بهن. فالمرأة التي تتكلم هذه يجب عليها أن يعني تعود إلى رشدها وأن تحاول أن تستفيد وتتعلم، لأن يعني قد ينفع الله عز وجل بها في المستقبل، وخاصة هنا الناس أو النساء خصوصا محتاجات للداعيات، الداعيات فيهن قلة، فالواجب على هذه المرأة أن تسكت وتحترم وتسجل الفوائد وتستمع بإنصات، إن لم يمكن ذلك والشيطان ما زال حريص عليها فأنا أنصحها أن تذهب إلى البيت، وأظن الباب مفتوح أمامها. Donc le cheikh continue son intervention en faisant une petite escale, une petite station, et il dit « Je suis étonné qu'il y ait encore des plaintes qui viennent de la part des femmes concernant la salle des femmes où il y a du bruit qui s'entend des sœurs qui dérangent les autres et qui continuent à parler. » Pourquoi il répète ça? Parce que hier il y avait la même plainte, la même chose. Alors que ce qui est connu en général, c'est que les femmes, elles sont connues pour être plus sérieuses et plus actives dans la voie des pieux prédécesseurs. Alors j'ai vraiment un doute. Est-ce que c'est vrai ce qui se passe dans la salle des femmes ou pas? Si c'est le cas, si c'est réellement réel, s'il y a vraiment des sœurs qui dérangent les autres, donc je conseille à cette ou ces sœurs-là de taqwa Allah, c'est-à-dire de craindre Allah et de ne pas déranger les autres, car elle est en train d'éloigner ses équivalentes et ses sœurs de l'apprentissage de la religion. Elle est en train d'éloigner ses équivalentes et ses sœurs du sentier d'Allah et de la science. Donc il y a deux solutions. Soit elle reste et elle respecte la personne qui est en train de parler, et elle respecte également ses sœurs qui sont en train d'écouter, d'entendre et d'écouter. Ou alors la porte est ouverte et elle peut rentrer chez elle. Ou alors la porte est ouverte et elle peut rentrer chez elle. Mais le fait de parler comme ça de manière continue et de déranger, c'est vraiment ignoble, c'est vraiment mauvais dans une assise comme celle-ci. Est-ce que les paroles ne viennent de lui venir à l'esprit? Est-ce qu'elle est obligée de parler à l'instant, maintenant, tout de suite? C'est vraiment mauvais et décevant de leur part. Comme si le diable s'est présenté à elle à l'instant. Ta'uzzuhum azzan. C'est donc pris d'un verset dans Sourate Maryam, le verset 83, dans Sourate 19. Des diables qui les excitent furieusement à désobéir. Des diables qui les excitent furieusement à désobéir. Donc ceci n'est pas louable de leur part. Les assises des savants, les assises des étudiants en sciences religieuses, ceux qui enseignent, il y a un certain respect à avoir. Et lorsque j'ai lu ce petit feuillet dans lequel il y a donc cette plainte, je me suis rappelé que le noble cheikh Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, rahmatullahi alayh, chaque jeudi, il réunissait les gens chez lui. Et il spécifie un cours pour les femmes. Tous les jeudis, il donnait un cours pour les femmes, donc notamment c'est maharim, c'est-à-dire les femmes qui sont interdites à lui, les membres de la famille, etc. Et il leur enseignait la religion, la aqidah, le fiqh spécifique aux femmes. Et de là, il était attentif et il fournissait des efforts pour que parmi ces femmes, il y en ait certaines qui deviennent des femmes qui prêchent et qui appellent à la voix des pieux prédécesseurs. Et il y a chez nous dans Makatib, Makatib Da'awiyah, c'est-à-dire des fondations ou des bureaux de prêche, il y a des femmes qui sont donc responsables au niveau du prêche et qui ont une certaine science et connaissance et qui sont des enseignantes qui apprennent à leurs sœurs. Donc, il faut prendre ce sujet-là au sérieux, ce n'est pas une plaisanterie. Surtout les femmes, ici notamment, elles ont besoin de femmes qui leur enseignent, qui leur montrent, qui les orientent. Et à travers cela, à travers cette mise en pratique, eh bien, il y aura des femmes qui pourront prendre cette responsabilité. Donc soit les sœurs, elles se taisent, et celles qui ne peuvent pas se contenir, il est mieux pour elles et plus louable et plus précautionnel qu'elles s'en aillent pour ne pas se déranger elles-mêmes et ne pas déranger les autres. Et je pense que la porte de sortie est ouverte. ولكن يعتبر لهؤلاء النساء بأن معهم أو معهن أطفال، وهذه أيضا مشكلة أخرى. فالظاهر أن المشكلة بسبب هؤلاء الأطفال بأنهم يسببون إزعاج. فالذي أراه أن تحرص الأم على إشغال هذا الطفل بشيء مفيد، أو يكون هذا الطفل عند جارتها لما تأتي إلى الدرس، أو تضع حل مناسب من أجل لا يكون يعني في إشغال للأخريات. كما بلغني الآن أن الأخوات الحمد لله حريصات على تسجيل الفوائد، فهذه نعمة من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهن وفي جهودهن. Donc le cheikh dit la seule excuse entre guillemets qu'on pourrait leur trouver, c'est s'il y a des enfants avec elles qui dérangent donc les femmes, les sœurs, etc., qui font du bruit. Et en apparence, je pense que ça ne peut être que ça qui est en train de se passer. Donc, qu'elles fassent en sorte qu'elles essayent de trouver une solution, celles qui sont dans ce cas-là, pour que les enfants s'occupent à travers autre chose ou trouver une solution, la laisser, laisser les enfants à un voisin, trouver une solution pour que tout le monde soit serein et tranquille. Et il vient de me parvenir que les sœurs, alhamdoulilah, il y en a parmi elles qui prennent des notes et qui écrivent, etc. Mais il ne faut pas rester inattentif à ce propos, il faut trouver une solution pour ne pas déranger autrui. من فوائد التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة أنه عصمة للعبد من الضلالة وهداية له، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنة نبيه. ووردت روايات مشابهة: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، إلى آخر الألفاظ في هذا الحديث. والشاهد على أن من تمسك بهما بالكتاب والسنة فقد عصم من الضلالة وقد هدي إلى الطريق المستقيم. وكما قلت وأكرر وأنبه على هذا، على فهم السلف الصالح، يكون هذا بشرط على فهم السلف الصالح. أيضاً من الأدلة على ذلك حديث العرباض النسائي الذي أخذتموه في الصباح قبل الظهر تقريباً مع الشيخ عبد الهادي، قوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والتقوى هي الأساس. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم، التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. إيش معنى وقاية؟ يعني حاجز. طيب كيف الحاجز هذا؟ هل هو حاجز حسي ولا حاجز معنوي؟ معنوي، حاجز معنوي، يعني ما تضع سور أو جدار، لا، تضع حاجز معنوي. ما هو هذا الحاجز؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي، تقوى الله عز وجل، تراقب الله عز وجل في السر وفي العلن، هذا يحملك على عدم الوقوع في المعصية وعلى الاجتهاد في الطاعة، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قال: أوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ثم عطف على ذلك قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث حسن صحيح. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقد سمعت من الشيخ أنه كان يوصي أصحابه، وأن الصحابة كانوا حريصين على طلب النصيحة، النصيحة الجماعية. لكن اليوم يأتيك واحد، كل واحد وحده: يا شيخ انصحني، يا شيخ انصحني، يا شيخ انصحني. تنصح كم؟ 20، 50، 200؟ جزاه الله خير، لكن يتعب الشيخ لو جلس ينصح يعني كل واحد على حدة. النبي صلى الله عليه وسلم نصح الجميع، وهذه نصيحة من ذاك الزمن إلى الآن. أوصنا، وهناك حالات فردية لكنها قليلة أوصى بها أو نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم نصح، الشاهد أنه قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني هذا كما استنبط منه العلماء على فهم السلف الصالح، كما قلنا عضوا عليها بالنواجذ. ما هي النواجذ؟ هي مؤخرة الأسنان، هي أقوى مكان للتمسك. يعني إذا أراد الإنسان أن يقطع حبل أو شيء، فين يضعه؟ يضعه في المقدمة ويقطع، أم في المؤخرة ويقطع؟ في مؤخرة الأضراس ويقطع، يعني هذا أشد مكان، يعني أقوى مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على التمسك بالسنة، وبالمقابل يحذر من البدعة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه نسمعها يمكن كل خطبة الجمعة نسمع، لكن من يتأمل في هذا المعنى؟ قليل من يتأمل في هذا المعنى. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة، يعني لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة، وسماها بدعة. البدعة هو شيء مخترع، شيء جديد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل ترك الأمر كذا؟ لا، قال: وكل بدعة عمم ضلالة. والضلالة إيش؟ ضد ماذا؟ الهداية. والضال فين يدخل؟ النار، إما دخول أبدي وإما دخول مؤقت. ثم قال: وكل ضلالة في النار. إذن البدعة خطيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، ودائما يحذر منها في خطبة الحاجة، دائما يحذر منها. ليش يحذر؟ لأنها خطيرة. وهل كان أحد من الصحابة مبتدع أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان فيه مبتدع موجود؟ لا، ما كان فيه مبتدع أصلا، صحابة كلهم عدول. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم رسالة، يبين لهم خطر البدعة، وأن هذه خطبة الحاجة التي دائما يكررها النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين عظم هذا الأمر. وهذا تشريع نبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمننا، فهو عام. فالشاهد من هذا أيها الإخوة، أن من فوائد الاعتصام بالكتاب والسنة أنه هداية من الضلالة والغوى ومن العماية. Le Cheikh a continué concernant donc ce sujet, à savoir celui de l'attachement et du cramponnement à la sunna du messager d'Allah, qu'Allah le couvre et le salue, en expliquant que parmi les répercussions de cela, il y a le fait que c'est une cause de protection face à l'égarement. À ce titre, il a été rapporté par Jabir, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salut, a dit: j'ai laissé parmi vous deux choses. Vous ne vous égarerez pas tant que vous y serez cramponnés, le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Et dans d'autres variantes, nous pouvons trouver le livre d'Allah et ma sunna. Et il y a également d'autres variantes qui ont été rapportées concernant ce hadith. Et le cheikh veut dire ici qu'il est impératif toujours d'apporter la précision indispensable, qui est que cela doit être conforme à la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Puis il a fait mention d'une autre preuve appuyant cela, qui réside dans le hadith rapporté par Al-Arbad ibn Sariya, que nous avons eu l'occasion d'aborder ce matin avec le Cheikh Abdel Hadi, qu'Allah le préserve et la récompense. Al-Arbad a dit: le messager d'Allah, qu'Allah le couvre de l'âge et le salut, nous a un jour accordé une exhortation éloquente qui a fait frémir les cœurs et qui a fait pleurer les yeux. Nous lui avons alors dit: ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Accorde-nous donc une recommandation. C'est alors que le messager d'Allah, qu'Allah le couvre de l'âge et le salut, a dit: je vous commande la crainte pieuse d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave. Car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Il vous incombe donc de vous attacher à ma sunna et à la sunna des califes, bien guidés en parole et en acte après moi. Cramponnez-vous-y et mordez-la à pleines dents, avec vos molaires littéralement. Et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation en religion est un égarement, et tout égarement mène en enfer. On se rend compte ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé dans un premier temps la taqwa, la crainte pieuse, car c'est là la base de tout bien. La crainte pieuse, c'est le fait de placer entre soi et le courroux et le châtiment d'Allah une barrière. Est-ce que cette barrière est une barrière qui est visible ou pas? La réponse, c'est que c'est une barrière qui n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est plutôt une barrière que l'on place en accomplissant ce qu'Allah nous a ordonné d'accomplir et en nous écartant de ce qu'il nous a interdit de perpétrer. Donc les compagnons, ils ont demandé une recommandation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a commandé la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le restant des commandements présents dans ce hadith, qui est un hadith qui est fiable et authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette recommandation qu'il a adressée à ses compagnons. C'était donc une recommandation adressée à un ensemble de personnes. Et on dénote, on retient également ici l'importance que les compagnons accordaient à l'apprentissage du savoir. Et on se rend compte également du fait qu'à la base, donc ces recommandations, elles sont données à un ensemble et non pas à des individus en particulier. Contrairement à ce qui est souvent demandé à notre époque. On se rend compte que souvent, les gens vont vers les savants en disant « Oh, chir, donne-moi un conseil ou une recommandation. » La base dans cela, c'est que les recommandations, elles sont adressées à un ensemble. Mais il n'y a pas de mal à ce que de manière ponctuelle, dans des cas bien spécifiques et restreints, certaines recommandations et conseils soient donnés à des individus en particulier. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a incité, il a commandé le fait de se cramponner à la sunna en disant « Il vous incombe donc de vous attacher à la sunna, de vous y cramponner, ainsi qu'à la sunna des califes, bien guidés en parole et en acte après moi. » Mordez-la avec vos molaires. Les molaires, donc, ce sont les dents donc, de derrière. Lorsque tu veux saisir quelque chose, ou que tu veux donc le couper avec tes dents, est-ce que tu vas utiliser les dents de derrière, les molaires, ou est-ce que tu vas utiliser celles de devant? Il n'y a pas de doute que tu vas utiliser celles de derrière. Donc ici, ça montre la fermeté dans le fait de se cramponner. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a donc, d'une part, incité fortement à se cramponner à sa sunna, et d'autre part, il a fermement mis en garde contre le fait d'innover en matière de religion. Ces paroles-là, il est possible que nous les entendions chaque vendredi, lors du sermon dispensé en ce jour. Mais malheureusement, pas tout le monde est attentif à cela. Nous y trouvons donc la mise en garde contre le fait d'innover en matière de religion. L'innovation dans la religion, c'est quoi? C'est une chose nouvelle qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se rend compte donc que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Et toute innovation en religion est un égarement, et tout égarement est un enfer. » Et l'entrée en enfer, là encore, est de deux sortes. Elle est soit éternelle, soit temporaire, selon le développement apporté précédemment. Nous retrouvons donc que le prophète, alayhi salatu wassalam, sans cesse il mettait en garde contre l'innovation. Est-ce que les gens qu'il avait en face de lui, est-ce que parmi eux, il y avait des innovateurs? La réponse est non. Car tous les compagnons étaient intègres et il n'y avait parmi eux aucun innovateur. Malgré cela, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mettait en garde de manière récurrente contre l'innovation du fait de la gravité de cette chose-là. Et donc on retrouve ici le fait de se cramponner à la sunna du messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloge et le salut, est une cause permettant de se protéger de l'égarement. من فوائد الاعتصام بالسنة أيضا الثبات عند الفتن. لا شك أن هذه الدنيا هي دار اختبار وابتلاء وتقلبات وفتن تعصب بالإنسان، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس كذلك، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هذا دليل على سرعة تقلب الإنسان وبسبب حدوث الفتن. ما هو المخرج وما هو الشيء المستمسك الذي ينجو به العبد؟ هو الكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فحينما تحصل هذه الفتن يرجع الإنسان إلى كتاب الله عز وجل، يتأمل ما فيه من الآيات والحكم والأمثال والأحكام وغير ذلك، ويرجع كذلك إلى السنة ماذا دلت وما هو المخرج من هذه الفتنة، موجود كله في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع إلى كلام أهل العلم ويتمسك بكلام الراسخين في العلم، كلام الراسخين في العلم يتمسك به ويعض عليه بالنواجذ، لأن هؤلاء يفهمون الكتاب والسنة الفهم الصحيح. فالنجاة أو من فوائد الثبات عند الفتن هو التمسك والاعتصام والرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وبهذا نتوقف ونستأنف إن شاء الله بعد صلاة العصر. Le cheikh continue son intervention en disant que parmi les profits de l'attachement au livre d'Allah, de se cramponner au livre d'Allah, le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi les profits le fait que ce sera une issue, une voie de sauvetage concernant les discordes, les tentations, les problèmes. Car comme vous le savez, cette dunya, cette vie mondaine est remplie d'épreuves, remplie de problèmes plus ou moins grave. Ta'asafu bil insan, c'est-à-dire que ça se transforme en tempête. Et ce sont des choses qui sont difficilement gérables. Comme il est venu dans le hadith, la personne au matin, elle est croyante, et au soir, elle est mécréante. Ou le matin, elle est mécréante, et le soir, elle est croyante. Ce qui montre la rapidité, c'est-à-dire que la personne, elle change d'état, elle change de situation d'une manière très rapide. Quelle est la voie de sauvetage? Quel est le chemin à entreprendre pour être sauvé de ces problèmes, de ces épreuves, de cette situation qui peut être difficile et embarrassante et problématique? C'est le fait de se cramponner au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Conformément à ce qu'Allah a dit dans surat Ali Imran, dans surat 3, le verset 103, le sens est cramponnez-vous tous ensemble au habl, câble d'Allah, ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé jusqu'à la fin du verset. Revenir au Coran, différents versets qui sont rapportés, qui sont cités dans le Coran, également l'Hikam, les différentes sagesses qui sont contenues dans le Coran, l'Amthal, c'est-à-dire les paraboles et les exemples qui sont cités dans le Coran, et l'Ahkam, les différentes lois et les différents jugements, les verdicts qui sont cités dans le Coran. Et pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, agir de la même manière. Et à travers cela, à travers ces deux sources infaillibles, revenir à la compréhension et aux paroles des savants, s'attacher aux paroles de ceux qui sont enracinés dans leur savoir, dans leur connaissance. Car chez les savants, il y a le Coran et la sunna sur la compréhension et la voie des pieux prédécesseurs. Et donc, on va s'arrêter là, inshallah ta'ala, et on reprendra après la prière du Asr.